السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، aujourd'hui nous allons parler de la plus grande sourate du Coran, de la sourate la plus grandiose du Coran, à savoir sourate al-Fatiha. À savoir, Suratu al-Fatiha. Dans le hadith de Abu Sa'id ibn al-Mu'alla, rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, wa radiallahu an, il nous dit: Kuntu usalli fil masjid, fada'ani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, falam ujibuhu. Fakultu ya Rasulallah, inni kuntu usalli. فقال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ثم قال لي لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قال الحمد لله رب العالمين هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. أبو سعيد ابن المعلى رضي الله عنه ندي: Je priais à la mosquée, ou alors que je priais à la mosquée, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a appelé. Donc du fait qu'il était en prière, il ne lui a pas répondu. Du fait qu'il était en prière, il ne lui a pas répondu. Par la suite, il lui a dit: Ô messager d'Allah, j'accomplissais la prière. Le messager sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Allah n'a-t-il pas dit, c'est-à-dire dans le Coran, dans Surat al-Anfal, le verset 24, répondez à l'appel d'Allah et du messager lorsqu'il vous appelle à ce qui contient votre vie. Puis il m'a dit: assurément, je t'enseignerai une sourate qui est la sourate la plus grandiose du Coran, qui est la plus grande sourate du Coran, la plus grandiose, avant que tu sortes de la mosquée. Puis il m'a pris par la main. Lorsqu'il a voulu sortir donc de la mosquée, je lui ai dit: ne m'as-tu pas dit que tu m'enseignerais une sourate qui est la sourate la plus grandiose du Coran? Il m'a dit: Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est-à-dire, il lui a récité Al-Fatiha. Il lui a mentionné que c'était Suratu Al-Fatiha. Alhamdulillah, toutes les louanges reviennent de droit à Allah, Rabbil Alamin, le Seigneur des mondes. Hiya as-sab'u al-mathani. Hiya as-sab'u al-mathani. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit ensuite: elle est les sept répétitives, ou les sept que l'on répète. Suratul Fatiha se compose de sept versets, et nous les répétons régulièrement dans chaque prière, dans chaque unité même de prière. Hiya sab'u al-mathani wal Qur'an al-'azim alladhi utitu. Le prophète alayhi salat wa salam a dit: elle est les sept répétitives et le sublime Qur'an qui m'a été donné. Et le sublime Qur'an qui m'a été donné, ou le Coran grandiose qui m'a été donné. Dans ce hadith, le prophète alayhi salat wa salam nous enseigne la grandeur de Suratul Fatiha et nous montre que c'est la meilleure sourate du Coran. C'est la sourate la plus grandiose du Coran. Et quel meilleur moment que le mois de Ramadan pour se rappeler cela? Le musulman, au minimum, chaque jour, récite Sourate al-Fatiha 17 fois. 17 fois. Car dans les 5 prières obligatoires, pour Al-Fajr, qu'on appelle aussi Al-Subh, il y a 2 unités de prière. Pour Al-Dhahr, il y en a 4. Pour Al-Asr, il y en a 4. Pour Al-Maghrib, il y en a 3. Et pour Al-Isha, il y en a 4. Au minimum, nous récitons cette sourate à 17 reprises. Cela, en soi, nous montre sa grandeur, sa particularité et ses mérites. Et le simple hadith que nous avons mentionné suffit à nous montrer sa grandeur. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au compagnon, en appuyant cette information, qu'il allait lui enseigner la sourate la plus grandiose du Coran. Dans le hadith de Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ubay ibn Ka'b, ne vais-je pas t'enseigner une sourate qui n'a jamais été révélée ni dans la Torah, ni dans Torah, ni dans l'Injil, ni dans Torah qui a été révélée à Moussa alayhi salam, ni dans l'Injil qui a été révélée à Isa alayhi salam, ni dans Zabur qui a été révélée à Daoud alayhi salam, ni dans Al-Furqan, c'est-à-dire le Coran. Jamais il n'y a eu de sourate identique à celle-ci. Ubay ibn Ka'b, bien évidemment, a dit oui au messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné que cette sourate était ce qu'il lisait dans ses prières. Naam. Il lui a dit que c'est la sourate qu'il lisait dans ses prières. En lui demandant ce qu'il lisait, il lui a répondu Umul Qur'an ou bien Umul Kitab. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a juré Wallavi nafsi biyadi. Par celui qui détient mon âme entre ses mains, jamais n'a été révélé, que ce soit dans Torah, que ce soit dans l'Injil, que ce soit dans Zabur, que ce soit dans le Furqan, donc le Coran, identique à Al-Fatiha. Yani une sourate qui a toutes les caractéristiques que l'on trouve dans Suratu Al-Fatiha. Une sourate qui est aussi grandiose que Suratu Al-Fatiha. Et ce hadith est dans Mada, dans le recueil de l'imam al-Tirmidhi. Il est authentique. Il est authentique. Donc ce hadith nous montre quoi? Ce hadith nous montre que il n'y a pas semblable à Al-Fatiha. Il n'y a pas identique à Al-Fatiha. C'est la sourate la plus grandiose. Walhamdulillah, Allah Azza wa Jalla a facilité sa mémorisation aux hommes comme aux femmes, aux grands comme aux petits, aux personnes âgées comme aux enfants. Donc c'est la sourate la plus importante. C'est la sourate la plus importante. Et le but de cette allocution est de comprendre la grandeur de Suratul Fatiha et son importance. Suratul Fatiha, c'est une lumière qu'Allah Azza wa Jal accorde à ses serviteurs. Suratul Fatiha, sa révélation a été toute particulière. Des choses ont eu lieu qui n'avaient jamais eu lieu pour la révélation d'un autre miracle, d'une autre sourate, d'un autre verset de Al-Qur'an ou Al-Azim. C'est donc une lumière. Dans le hadith de Abdullah ibn Abbas, rapporté par l'imam Muslim, on nous dit « Baynama Jibril qa'idun inda an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, sami'a naqidan min fawqi, farafa'a ra'sa, faqala hadha babun min as-sama' futiha al-yawm, lam yuftah qattu illa al-yawm, fanazala minhu malak. » فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته الله أكبر. Abdullah ibn Abbas nous dit, tandis que Jibril, عليه السلام était assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il entendit une voix émanant du ciel. Une voix émanant du ciel, un bruit. Na'am, un bruit. Plutôt un bruit. Il a donc levé la tête. Il a donc levé la tête et dit, donc on parle ici de Jibril, et dit, voici une porte du ciel qui vient de s'ouvrir. Voici une porte du ciel qui vient de s'ouvrir. Jamais celle-ci n'avait été ouverte avant ce jour. De cette porte est descendu un ange. De cette porte est descendu un ange. Jibril dit ensuite, cet ange-là est descendu sur la terre. Cet ange-là est descendu sur la terre. Jamais avant cela, il n'était descendu. Jamais avant ce jour-là, il n'était descendu. Par la suite, l'ange le salua. L'ange les salua. Ou passa le salam. Donc, à Jibril alayhi salam et au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abshir binurayn utitahuma lam yu'tahuma afwan lam yu'tahuma nabiyun qablak. Réjouis-toi de deux lumières qui t'ont été accordées. Jamais cela n'avait été accordé à un prophète avant toi. Réjouis-toi de deux lumières qui t'ont été accordées. Jamais avant cela, elles n'avaient été accordées à un prophète. Et ni avant toi, personne n'a reçu aussi grandiose que cela. Et là, l'âme penche, la personne penche et veut savoir. Quelles sont ces deux grandes lumières? Quelles sont ces lumières grandioses pour lesquelles un ange particulier est descendu? Cette porte s'est ouverte, cet ange est descendu. Cet ange annonce la bonne nouvelle au prophète alayhi salat wa salam. Il lui dit, Fatihatul Kitab. Fatihatul Kitab. L'ouverture du livre, c'est-à-dire Suratul Fatiha, et la fin de Suratu al-Baqara. Et la fin de Suratu al-Baqara. آمن الرسول بما أنزل إليكم من ربه والمؤمنين والمؤمنون يعني les deux derniers versets de Suratu al-Baqara commençant par le messager آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. Le messager a eu foi en ce qui lui a été révélé de la part de son Seigneur ainsi que les croyants. Et le verset suivant, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, jusqu'à la fin. Il lui dit, donc l'ange lui dit, tu ne réciteras pas un verset sans qu'on t'accorde, sans qu'on te l'accorde. C'est-à-dire les demandes qu'il y a dans Suratul Fatiha, les demandes qu'il y a dans Suratul Baqara, Allah Azza wa Jal te les exauce. Et un point très important à noter, c'est que Suratul Fatiha est une dua. Suratul Fatiha est une dua. C'est pour ça qu'il nous est légiféré à la fin dans la prière de dire Amin. Ce qui signifie où Allah exauce cette demande. C'est une dua. Il convient aux gens d'attirer leur attention sur cela, comme le disait Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullahu ta'ala, At-Tamimi, Cheikh al-Islam. Il convient de faire le rappel aux gens que c'est une dua. Donc voici deux lumières qui ont été accordées au prophète alayhi salatu wassalam. Jamais cela n'avait été accordé à un prophète avant lui. Et la grande nouvelle, c'est que pour chaque lettre récitée, pour chaque lettre et réciter na'am, tu en auras le contenu. Par exemple, dans le Fatiha, tu dis Ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous sur le chemin droit. Allah Azza wa Jal te l'accorde. Dans suratul, à la fin de Suratul Baqara, tu dis Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Oh Allah, ne nous tiens pas rigueur si nous oublions, si nous nous trompons. Ben, tu obtiens cela. Tu obtiens cela. Donc voici un hadith qui nous montre l'importance de Suratul Al-Fatiha et que jamais n'a été révélé sur un prophète identique à Suratul Al-Fatiha. Barakallahu fikum. Parmi les mérites de Suratul Fatiha et ce qui nous montre Mada, sa grandeur, c'est que c'est une ruqya. Le prophète alayhi salatu wassalam l'a nommé ruqya. Dans le hadith de Abu Sa'id al-Khudri radiallahu an, rapporté par al-Bukhari et Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam a appelé Suratul Fatiha ruqya. C'est une formule d'incantation. Si la traduction est bonne, c'est une ruqya. Donc elle sert à être récitée sur la personne afin d'éloigner d'elle le mal à titre préventif ou bien la soigner après avoir été atteinte et touchée par le mal. Abu Sa'id nous dit « Intalaqa nafarun min ashabi nabi sallallahu alayhi wa sallam fi safratin safaruha hatta nazalu ala hayin min ahya'i l'arab fastadhafuhum fa'abaw an yudayifuhum faludiga sayyidu dhalika l'hayin فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عندهم ببعضهم شيء فأتوهم. أبو سعيد رضي الله عنه ندي qu'un groupe parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont entrepris un voyage jusqu'à atteindre une région ou une contrée parmi les contrées des Arabes. Ils leur ont demandé l'hospitalité, celle-ci leur a été refusée. Rapidement après cela, le chef de cet endroit a été piqué par un scorpion ou autre. Ils ont tout entrepris pour essayer de le soigner, mais en vain. Ils ont tout cherché comme remède, mais en vain. Alors, ils se sont dit mutuellement, ou bien certains parmi eux ont dit, pourquoi ne pas se rendre auprès de ce groupe-là pour leur demander s'ils ont quelque chose? Ils sont venus les voir et leur ont dit, « Ya ayyuha ar-rahat, inna sayyidana ludir, wa sa'ayna lahu bi kulli shay'in la yanfa'u, hal inda ahadin minkum min shay? » Ô vous, le groupe, notre chef s'est fait piquer. Et nous avons tout entrepris pour sa guérison, mais en vain. Rien n'a fonctionné. Avez-vous quelque chose pour lui? فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَعَمْ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْقِي وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا. Un parmi les compagnons, radiallahu anhum, a dit, oui, par Allah, je fais ruqya. Je fais ruqya. Je peux lui réciter ce qui lui sera profitable avec la permission d'Allah. Mais, par Allah, nous avons demandé hospitalité et vous nous l'avez refusé. Donc, je ne ferai pas ruqya. Je ne ferai pas pour vous ruqya tant que vous ne nous dédommagerez pas pour cela. Donc, leur donner leur droit. Le voyageur a un droit. فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْغَنَمِ. Ils se sont donc entendus sur quelques bestiaux. فَانْتَلَقَ يَتْفِلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالِ فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَالَبَهُ. Le compagnon, radiallahu anhu, s'est rendu auprès de cet homme malade a postillonné sur lui en émettant un minimum de salive et de souffle et a récité Alhamdulillahi Rabbil Alameen, c'est-à-dire Surat al-Fatiha entièrement. Surat al-Fatiha entièrement. Donc de Alhamdulillahi Rabbil Alameen jusqu'à Waladdallin. Qu'est-ce qu'on nous dit dans ce hadith? فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالِ. Il s'est relevé comme s'il n'avait rien eu auparavant. À l'image du chameau dont on attache la patte pour qu'il ne se relève pas. Lorsqu'on lui enlève cela, il se lève brusquement. De la même façon, cet homme qui était malade, qui était vraiment mal en point, après qu'on lui récité Sourate al-Fatiha, il s'est relevé avec vigueur, comme s'il n'avait jamais été malade auparavant. Donc, subhanallah, Sourate al-Fatiha est la meilleure ruqya. Sourate al-Fatiha est la meilleure ruqya. فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلِي. Donc, ils se sont acquittés de ce qui avait été convenu. فَقَالَ بَعْضُمْ اِقْسِمُوا. Certains ont dit, partagez. فَقَالَ الَّذِي رَقَى لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرُونَ. Certains ont dit, partageons. Et celui qui avait fait Ar-Ruqya, qui avait récité sur le malade, a dit, ne le faites pas jusqu'à ce qu'on se rende auprès du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'on lui mentionne l'histoire afin de regarder ce qu'il nous ordonnera. فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ sallallahu alayhi wa sallam فَذَكَرُوا لَهُ. Ils sont donc arrivés auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui ont raconté l'événement. فَقَالَ وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقِيَةٌ. Comment as-tu su que c'était une ruqya? D'où te vient le fait que c'est une ruqya? Comment as-tu su que c'était une ruqya? Thumma qal qad asabtum. Puis il leur a dit, vous avez bien agi. Iqsimu wadribu li ma'akum sahman. Fadhahika Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit, vous avez bien agi. Vous avez bien agi. Partagez. Et accordez-moi avec vous une part. Puis le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ri. Donc, on voit ici que ruqya est et qu'on voit ici que Suratul Fatiha est une ruqya. Suratul Fatiha est une ruqya. Ainsi, celui qui est malade ou celui qui a un malade ou celui qui veut apporter son aide à un malade. Naam. Il peut lui être extrêmement profitable avec sept versets qui lui répètent. Oh, combien sont les fois où on nous contacte pour les demandes de ruqya. Tenez ici, chère communauté. Tenez ici, chère communauté, un trésor. Un trésor. Une ruqya grandiose et sublime. Fatihatul Kitab. Al-Qur'anul Azim. Al-Sab'ul Mafan. Al-Mathani. Al-Fatiha. Ummul Kitab. Ummul Qur'an. Avec Al-Fatiha, tu peux faire ruqya. Tu n'as pas besoin de diriger ton cœur vers les créatures. Certes, c'est permis de demander à ruqya en cas de nécessité, en considérant la personne étant une cause, si c'est une personne fiable, qui a une bonne croyance, qui n'est pas dans le charlatanisme ou autre. Mais toi, si tu fais ruqya, c'est meilleur. Parce que toi, tu es dans un cas de force majeure. C'est toi le malade, c'est toi qui es dans la difficulté. Et Allah Azza wa Jal te dit dans le Coran, « Amma yujibu al-muttarra idha da'a wa yakshifu al-su'. » Qu'est-ce qui répond à celui qui est dans l'affliction lorsqu'il invoque et qui dissipe le mal? La réponse, bien évidemment, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es malade. Fais al-wudu. Fais al-wudu, récite al-fatiha sincèrement à la recherche de la guérison d'Allah Azza wa Jal et la conviction ferme que ce Coran est une shifa, c'est une guérison comme Allah nous le dit dans le Coran. On révèle du Coran qui est une guérison. Qui est une guérison. C'est une miséricorde pour les gens. C'est une guérison. Tu récites Al-Fatiha avec la ferme conviction qu'Allah va te guérir. Avec la ferme conviction que le Coran c'est une ruqya. Et qu'Allah Azza wa Jal, s'il veut la chose, elle va se réaliser. Et que personne ne peut repousser son décret. Et qu'il est miséricordieux. Il est indulgent. Il veut pour nous la facilité, non la difficulté. Et que c'est Shafi, c'est le guérisseur, subhanah. Et qu'il n'y a pas de guérison qui émane si ce n'est de sa part. Si tu réunis cet état du cœur, et que tu récites sincèrement à la recherche de la guérison, Allah Azza wa Jal te donnera le bien. Allah Azza wa Jal te donnera le bien, en plus des récompenses. Ensuite des récompenses. Et on demande à Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, wa shafi rahim, wa huwa rabbul alamin, wa ala kulli shayin qadir. وأمر إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون أن يشفي مرضانا مرضى المسلمين. Nous demandons à Allah Azza wa Jal, le miséricordieux, le très miséricordieux, l'indulgent, celui qui a pitié de ses serviteurs, le guérisseur, celui qui est omnipotent et lorsqu'il veut une chose, il dit soit elle est, de guérir l'ensemble de nos malades, l'ensemble de vos malades. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il repousse les manigances des sorciers et leurs stratagèmes, et qu'il rejette cela sur eux, et qu'il purifie la communauté de leur sorcellerie et de leur mal. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il guérisse l'ensemble de ceux qui sont touchés de sorcellerie parmi les membres de, nos de notre communauté. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wallahu alimun hakim. Donc la personne, elle récite Al-Fatiha. Comment est-ce qu'elle fait? Elle récite avec cette ferme conviction. Ensuite, elle poustillonne et s'essuie. Elle poustillonne et s'essuie. Ou elle récite sur une personne. Elle dit « A'udhu billahi minash shaitan ar-rajim ». Elle récite. Si elle a une douleur à un endroit précis, elle met sa main dessus. Naam. Particulièrement si c'est, ici, c'est son mahram. Même si c'est du sexe opposé, si c'est son mahram, il peut même mettre sa main. Naam, sauf si c'est un endroit de la awra, si ça n'est pas son époux, il ne mettra pas sa main à cet endroit-là. Il récite Al-Fatiha et il poussillonne sur la personne. Yani, il envoie un peu de souffle avec un minimum de salive. Ça n'est pas craché, mais c'est en dessous de cela. Ça n'est pas poustillonné, mais c'est un tout petit peu au-dessus de cela. En espérant mettre, yani, avoir été clair. Elle poussière en émettant un minimum de salive. Et elle réitère cela, elle récite Al-Fatiha. Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala nous dit, lorsqu'il était à Mecca, il est tombé malade. Et il n'avait pas grand remède. Alors il s'est mis à réciter Al-Fatiha pour se soigner. Et il a vu les effets grandioses de cette lecture. Il dit par la suite, lorsque je voyais une personne tomber malade, je lui recommandais cela. Il avait vu des effets tellement bénéfiques sur sa personne qu'il recommandait cela aux autres. Tu es malade? Certains se jettent sur les médicaments et consomment énormément de médicaments. Après l'Espagne, ils disent que la France est le plus gros pays consommateur d'anxiolytiques. Tout ce qui amène à... pour enlever les soucis, pour enlever le stress, pour enlever la dépression, pour enlever les problèmes psychologiques, psychiques et autres. Mais nous, on a meilleur que tout cela. Pour la communauté de l'islam, la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de cette miséricorde envoyée au monde, nous on a le Coran. Nous avons el Coran ul Azim, el Coran ul Majid, el Coran ul Karim. Avec Al-Fatiha, Wallahi al-Azim, il ne faut avoir aucun doute. Il ne faut pas dire je vais tester, je vais essayer. Non, il faut faire avec cette conviction-là. Allah Azza wa Jal est véridique. Wa man asdaqu min Allahi qila. Et qui est plus véridique en matière de parole qu'Allah Azza wa Jal? Et le prophète, sallam, c'est sadiqul masduq. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu récites Al-Fatiha. Naam. Et on a de la miséricorde envers tous nos frères et sœurs malades, touchés de sorcellerie. Ou autre. Et pour ça qu'on prend du temps pour leur décrire ce remède, pour leur décrire ce, ce remède. Barakallahu fikum. Parmi les mérites de Suratu Al-Fatiha, le fait que ce soit un pilier de la prière. Et que la prière n'est pas valable si ce n'est avec sa récitation. Si ce n'est avec sa récitation. Abu Huraira radiallahu anhu nous rapporte, comme c'est dans le recueil de l'imam Muslim rahimahullah, que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: يعني قال الله تعالى قسمت الصلاة أو بلتو من لم يقرأ بفاتحة الكتاب من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فإن صلاته أو نسيت نعم كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. قالها ثلاثا. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit: toute prière dans laquelle Al-Fatiha n'a pas été récitée sera khidaj. Et par la grâce d'Allah Azza wa Jal, on a pu écouter l'explication de Cheikh Salih Al-Luhaydan à Mecca, dans de magnifiques conditions. Il a expliqué cela en disant, c'est-à-dire incomplète. Khidaj, c'est-à-dire incomplète. Par la suite, on a entendu cela également d'autres savants. Ghayru tamam, elle est incomplète. La personne qui récite, qui prie, et qui n'a pas resté le Fatiha, est incomplète. Dans un autre hadith, la salata liman lam yaqra bi fatihati al-kitab. Il n'y a pas de prière, c'est-à-dire religieuse acceptée chez Allah, légiférée acceptée chez Allah, liman lam yaqra bi fatihati al-kitab. À quiconque ne récitera pas l'ouverture du livre, c'est-à-dire le Fatiha. Pour unir ces hadiths, certains savants disent, si la personne prie derrière l'imam, il doit réciter à voix haute. Si la personne prie derrière l'imam, et que c'est une prière à voix haute, s'il ne récite pas la Fatiha, sa prière est khidaj. Elle est incomplète. Elle a une déficience dans la perfection et dans les récompenses. Par contre, si c'est une prière à voix basse, et qu'il ne récite pas le Fatiha, alors là, sa prière est batila. Sa prière n'est pas valable. Elle n'est pas valable. On n'a pas dit penser la Fatiha dans sa tête, mais on a dit réciter la Fatiha, c'est-à-dire au minimum, il bouge les lèvres, la langue. Il faut réciter. Attention, celui qui pense seulement le Fatiha, sa prière n'est pas valable. Il doit réciter. Il doit la réciter, comme a détaillé expliqué Ibn Athim, rahimahullahu ta'ala, dans certains cours de Suratul Fatiha. Donc, si tu pries derrière l'imam, tu récites quand même Al-Fatiha. Tu récites quand même Al-Fatiha. À voix basse, tu te fais entendre que toi-même. Tu ne déranges pas. Et dans le cas où tu ne le fais pas, ta prière est incomplète. Et si c'est une prière à voix basse, et que tu ne récites pas, que tu sois seul ou derrière un imam, là, la prière n'est pas valable. Donc, il faut faire attention à ce point-là. Pour ce qui est passé, la personne qui était ignorante, et Inch'Allah, ça lui est excusé. Mais à l'avenir, il faudra faire attention à ce point-là. Barakallahu fikum. Il y a le célèbre hadith. Tout à l'heure, j'ai dit, rapporté par l'imam Muslim sur Abu Huraira. J'ai mélangé donc le hadith Yahidaj, qui est dans Sahih Muslim, et ce hadith-là, donc la source que j'ai mentionnée, même si c'est en Sahih Muslim également, ça n'était pas ce que je visais. Donc, le hadith que je voulais mentionner est « Qasamtu salata bayni wa bayna abdi nisfayn ». Parmi ceux qui nous montrent la grandeur de Suratul Fatiha, c'est que Allah Azza wa Jal, dans un hadith à thème divin, l'a nommé salatan, l'a appelé prière. L'a appelé prière. Abu Huraira radiallahu anhu a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Qasamtu salata bayni wa bayna abdini. Ou plutôt, le prophète sallam a dit, Allah le Très-Haut a dit, j'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur en deux. De quoi s'agit-il ici lorsque on nous dit la prière? Voyons la suite du hadith. فَإِذَا قَالَ الْعَبْدِ, j'ai oublié, وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ, et mon serviteur aura ce qu'il a demandé. Alhamdulillah. Je reprends. Allah nous dit dans le hadith à thème divin, قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِ نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ. J'ai divisé, j'ai séparé la prière entre moi et mon serviteur en deux. Et mon serviteur aura ce qu'il a demandé. Et là, ça attire à nouveau ton attention sur le fait qu'elle Fatiha est une dua, et mon serviteur aura ce qu'il a demandé. Fa'idha qala al-'abd, lorsque le serviteur dit alhamdulillahi rabbil alamin, toutes les louanges reviennent de droit à Allah, le seigneur des mondes. Qala Allah ta'ala hamidani 'abdi, Allah dit, mon serviteur m'a loué, a proclamé ma perfection. وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ, lorsqu'il dit, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, قَالَ اللَّهُ تَعَالَ أَثْنَ عَلَيْهِ عَبْدِ, Allah le Très-Haut dit, mon serviteur fait mes éloges. وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ, lorsqu'il dit, maître ou roi, Malik, maître et roi ou roi du jour des comptes. Qal majjalani abdi. Allah dit, mon serviteur, yani, réitère mes éloges. Fa'idha qal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lorsqu'il dit, c'est toi seul que nous adorons, et auprès de toi seul que nous recherchons l'aide. قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. Ceci entre moi et mon serviteur, et mon serviteur aura ce qu'il a demandé. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. Lorsqu'il dit guide-nous sur et dans le chemin droit, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, non pas ceux qui ont encouru la colère, ni les égarés. Il dit, donc Allah subhanahu wa ta'ala, ceci est pour mon serviteur. Et mon serviteur aura ce qu'il a demandé. Remarque comment Allah azza wa jalla a annexé le serviteur à lui-même subhanahu wa ta'ala, pour l'anoblir, pour l'honorer, pour montrer sa valeur et sa place. Il a été élevé de par ce Coran, de par cette sourate du Coran, de par sa récitation, sa méditation, son application, de par sa conviction que c'est la parole d'Allah Azza wa Jal et sa révélation. Donc, suratul Fatiha est grandiose. Suratul Fatiha est la sourate la plus importante que tu mémorises. La sourate la plus importante que tu enseignes. On envoie nos enfants mémoriser le Coran auprès de nos chères enseignantes, nos chers enseignants du Coran ou le Karim. Mais wallah, sourate al-Fatiha, on ne la laisse à personne. L'enseignement de sourate al-Fatiha, on se concurrence pour l'enseigner à nos enfants. Si tu peux faire en sorte que personne ne te devance pour enseigner le Fatiha à tes enfants, à tes neveux, à tes proches et à tout enfant, fais-le. Parce que 17 fois par jour au minimum, il sera amené à la réciter dans sa prière, Inch'Allah ta'ala. Et pour chaque lettre, tu auras les récompenses. Tu imagines la récompense? Tu as enseigné la sourate la plus aimée chez Allah, la plus grande sourate, la plus importante, la plus méritoire. Allahumma barik. On a un grand espoir en Allah Azza wa Jal. Et après cela, on invoque Allah Azza wa Jal en faveur des femmes, des mamans qui enseignent Al-Fatiha. Wa rahim Allah al-walid wa al-walida. Qu'Allah Azza wa Jal ait pitié de nos mères, fasse miséricorde à nos pères qui nous ont enseigné Sourate Al-Fatiha et qui nous ont enjoint la prière depuis petit. Rahmatullahi alayha wa ghafarallahu laha. Puisse Allah Azza wa Jal pardonner à nos mères, les élever en degré au paradis. Tout comme elles ont été la cause qu'on accomplisse la salat. Donc, enseigne Al-Fatiha. Enseigne Al-Fatiha. Tu as bien compris à travers les hadiths que le prophète alayhi salat wa salam nous a montré que jamais une sourate identique a été révélée. Wallazi nafsi biyadih. Ma unzila fi at-taurati wala fi al-injil wala fi az-zabur wala fi al-furqan mithluha. Donc on a déjà mentionné le hadith, par celui qui détient mon âme dans sa main ou dans ses mains, jamais n'a été révélé dans la Torah, dans l'Injil, dans Zabur, ni même dans le Furqan, identique à Al-Fatiha. Identique à Al-Fatiha. Donc la lecture d'Al-Fatiha, c'est un pilier de la prière. Que veut dire c'est un pilier de la prière? Ça veut dire que tu dois absolument réciter Sourate Al-Fatiha dans chaque unité de prière. Et que lorsque la personne commence la prière, on lui enseigne le plus vite possible Al-Fatiha. Le temps de l'apprendre, il dira Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Il fera du zikr, il priera quand même. Mais ça n'est pas valable de la rester en français. Comme certains ont pu, yani ont pu dire. Non, tu dois l'apprendre petit à petit, selon tes capacités. Certains parmi les compagnons se convertirent à un âge très avancé, comme Abu Quhafa. Othman, le père de Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu, il avait presque perdu la vue, il avait les cheveux et la barbe blanche. Naam. Ben, tous ces sahaba, enfants ou bien adultes ou âgés, ont appris le Fatiha. C'est celui qui se convertit, il demande à ce qu'on lui apprenne la prière, on lui enseigne le Fatiha. C'est un pilier. Ça veut dire que tu dois absolument la réciter. Et si tu oublies, ou si tu fais volontairement, mais très loin de toi de faire cela, bien évidemment, ben sache que cette raka'a n'est pas valable, donc la prière n'est pas valable. Tu devras ajouter une raka'a et réciter le Fatiha, sinon cette prière ne sera pas valable. Si tu oublies le Fatiha, cette unité de prière, tu ne la comptabilises pas. Et la deuxième devient la première, et ainsi de suite. Et à la fin de ta prière, après le taslim, tu devras faire la prosternation de la distraction. Donc voyez-vous comment c'est important, Suratul Fatiha, c'est un pilier de la prière. La prière n'est pas valable sans la récitation de Suratul Fatiha. Si tu pries seul, ou si tu es l'imam, ou si tu pries derrière l'imam dans une prière à voix basse. Dans tous ces cas, la prière n'est pas valable. Et si tu pries derrière lui dans une prière à voix haute, alors ça sera incomplet. Ça sera incomplet, barakallahu fik. Sourate Al-Fatiha, parmi ce qui nous montre c'est son grand mérite, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala imtanna a mentionné sa grâce sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sourate Al-Hijj de par le fait qu'il lui ait révélé Sourate Al-Fatiha. Le Coran tout entier est une grâce de la part d'Allah Azza wa Jal. Mais pour Al-Fatiha, il y a eu la mention particulière de cette grâce. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Nous t'avons certes accordé les sept répétitives ainsi que le Coran grandiose, c'est-à-dire Al-Fatiha. C'est-à-dire Al-Fatiha. Donc tout cela nous montre son importance. Et cela nous permet de rebondir sur un autre point, c'est que parmi ce que nous montre l'importance de Suratul Fatiha, c'est ses nombreuses appellations. Ses nombreuses appellations. Parmi les noms de Suratul Fatiha, il y a Al-Fatiha parce que elle ouvre le mushaf. Elle commence le mushaf. Lorsque tu ouvres le mushaf, la première surah, c'est Al-Fatiha. Également, tu ouvres ta prière par celle-ci. Tu ouvres ta prière par celle-ci. Les sept répétés ou les sept répétitives, car tu récites cela dans chaque unité de chaque prière obligatoire ou recommandée. Et la prière n'est pas valable sans sa récitation. Elle est aussi Ummul Kitab, Ummul Qur'an. Elle, c'est la base à laquelle on se réfère. C'est la mère du livre, la mère du Qur'an, c'est-à-dire la base à laquelle reviennent l'ensemble des sens du Qur'an de manière résumée. Le Qur'an est détaillé. Et Al-Fatiha, c'est comme le contenu de tout le Qur'an de manière non détaillée, de manière résumée. On y mentionne la description d'Allah Azza wa Jal, ses noms, ses attributs, donc c'est la connaissance d'Allah. On y mentionne la vie après la mort, la résurrection, le retour vers Allah, l'au-delà. On y mentionne l'unicité d'Allah dans l'adoration, le but de la création et comment y parvenir, en s'aidant d'Allah Azza wa Jal, qu'il faut adorer Allah seul d'un culte sincère. On y mentionne la division des gens face au chemin pour lequel ils ont été créés, le suivi de l'islam, le suivi du Coran, de la Sunna. Il y a ceux qui savent et appliquent, il y a ceux qui savent et n'appliquent pas, et il y a ceux qui ne savent pas et qui se sont égarés. Et cela comprend forcément l'envoi des prophètes et des messagers, et des miracles avec eux, des livres révélés, ainsi de suite. Donc dans le Coran, il y a le sens de tout ce qu'il y a, dans le Fatiha, pardon, il y a le sens de tout ce qu'il y a dans le Coran. De manière synthétique, si on peut dire comme cela, ou résumé. C'est pour cela qu'on l'a appelé Ummul Kitab, Ummul Qur'an. Elle est aussi Al-Ruqya, Al-Shafiya. Et dans les tafassirs, vous trouvez que les exégètes du Qur'an ont mentionné beaucoup, beaucoup de noms en se basant sur les hadiths et les versets. Donc elle a beaucoup de points particuliers. Elle se distingue des autres versets du Qur'an, même si tout le Qur'an est parfait, par ses nombreuses spécificités, ses nombreuses caractéristiques. Al-Fatiha, il faut savoir la lire correctement. Il est une obligation pour chaque croyant de savoir lire Suratul Fatiha convenablement. C'est-à-dire avec les sorties de lettres, avec les bonnes caractéristiques, avec les allongements où il faut, sans ajouter où il ne faut pas, en appuyant sur les lettres quand il le faut et en ne le faisant pas quand il ne le faut pas. Et avant de réciter Suratul Fatiha, il nous a été légiféré de chercher refuge auprès d'Allah contre Shaitan. En disant A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et le mieux est de ne pas chanter cela. Mais tu psalmodies en commençant à lire le Coran. Mais pour Al-Isti'adha, n'aam, sans parler du moment où tu enseignes cela à l'enfant, de manière, je pense qu'on dit ludique, ou bien pédagogue, tu diras A'udhu billahi minash shaitanir rajim sans psalmodier ou chanter cela. Et lorsque tu commenceras à lui enseigner le Fatiha, à ce moment-là, tu psalmodieras en disant Alhamdulillahi. Yani, tu lui décomposeras ou bien tu lui citeras le premier verset ou une partie du premier verset selon ce qu'il peut assimiler à son rythme. Selon ce qu'il peut assimiler et à son rythme. Il faut être dans le juste milieu. Il y a des parents qui disent il est trop petit. Naam. Et c'est eux qui méprisent les capacités de leurs enfants. Et il y a ceux qui veulent brûler les étapes. Et qui veulent que l'enfant finisse le Coran en un an. Et au final, il bâcle le tout. Ni il connaît tout le Coran, ni il connaît un tiers du Coran, ni moins. Donc, celui qui place sa confiance en Allah et qui cède d'Allah Azza wa Jal, il réussira, walhamdulillah. Et sachez que l'enfant très petit peut apprendre Al-Fatiha. Il peut apprendre le Fatiha. Prends un CD de bons récitateurs comme Al-Hudhayfi, ou bien Al-Minshawi, ou bien Al-Husari, ou autre. Et mets à l'enfant régulièrement Al-Fatiha avec 12 Amma et tu verras que très tôt, il mémorisera beaucoup de passages de cela. Mais lui, régulièrement, le matin, le soir, au coucher. Barakallahu fik. Donc, quelques conseils pour la mémorisation de l'Fatiha et la correction de certains versets. Lorsque, déjà sur l'Isti'adha, tu dis A'ouzou, A'ouzou, A'ouzou billahi, A'ouzou billahi minash shaytani, avec un ta, minash shaytani rajim. Ar-Rajim. Puis tu dis Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Puis tu dis Alhamdu. Alhamdu. Alhamdulillahi. Lillahi. Avec un ha. Pas lillahi avec un ha, mais avec un ha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Sur le ra, il faut appuyer de la sorte. Ar-Rahmanir Ar-Rahmanir-Rahim, et non pas Ar-Rahmanir-Rahim. Non, il faut appuyer. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Maliki Yawmiddin. Il faut appuyer sur le del. Maliki Yawmiddin, et on fait attention à chaque allongement. Maliki yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Ici, c'est très important. Par moment, le fait d'enlever un allongement ou lorsqu'on doit appuyer, ça peut changer le sens. Et on peut tomber dans une faute grave. Comme c'est le cas ici, si on n'appuie pas sur le ya. Iyaka, iyaka. Si on dit iyaka, ça fait référence au rayon du soleil, au rayon émanant du soleil, ou à la poussière que ça laisse entrevoir lorsqu'il y a les rayons du soleil qui passent et que nous regardons, on peut apercevoir entre l'ombre et la lumière une espèce de poussière. Ben, ça fait référence à ça. La lumière émanant du soleil ou bien ces choses-là. Ben, lorsque tu dis, au lieu de dire « Iyaka », c'est toi seul que nous adorons, ben, ça donne ça comme sens. Nous adorons uniquement la lumière émanant du soleil et donnant cette poussière-là. Vous imaginez? C'est gravissime. Donc, il faut faire attention à la shadda ici. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina sirata al-mustaqim. Ihdina sirata al-mustaqim. Sirata al-lazina an'amta alayhim. An'amta. C'est pas an'amta. C'est pas an'amta. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. on fait attention aux allongements, on fait attention lorsqu'il faut appuyer. Naam, on fait attention à ne pas mettre d'allongement où il ne faut pas. Et pour ce faire, prenez une personne qui vous corrigera. N'ayez pas honte de revenir à plus connaisseur que vous pour qu'il corrige votre Fatiha. C'est le plus important dans tout le Coran, c'est Suratul Fatiha. Il en va de la validité de la prière. Donc il faut se faire corriger le Fatiha, moi le premier. Puis, l'enseigner à nos proches, connaître la grandeur de cette sourate et l'étudier. Naam. C'est pour cela qu'Inch'Allah, on étudiera le tafsir de Surat al-Fatiha demain, Inch'Allah ta'ala, et on verra les trésors de Surat al-Fatiha. Voilà pour aujourd'hui. Wallahu a'lam, wa sallallahumma wa barak ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.